Dans le recueil de Jules Laforgue, intitulé « L'imitation de Notre-Dame-la-Lune », j'ai retenu un seul poème. « Je ne suis qu'un viveur lunaire ». Je ne suis qu'un viveur lunaire qui fait des ronds dans les bassins, et cela, sans autre dessein, que devenir un légendaire. Retroussant d'un air de défi mes manches de mandarin pâle, j'arrondis ma bouche et j'exhale des conseils doux de crucifix. Ah oui, devenir légendaire au seuil des siècles charlatans. Mais où sont les lunes d'antan? Et que Dieu n'est-il à refaire?